La délégation de l'association de Kim Jong-il de Mongolie, conduite par son président sort Batar, le directeur de la maison des livres illustrés des dessinateurs de Chine, Wang Yuzi, et sa suite, l'administrateur général de la compagnie limitée du commerce Jian Yuan de Tantun, Chine, Li Qianqiu, et sa suite, et l'ex-recteur adjoint de l'université des sciences et techniques de Yanbian, Chine, Chai Liong-hong, et sa suite, sont arrivés le 11 à Pyongyang par avion et par train pour participer au 19e floralie de Kim Il-sung.